Le rap c'est ma vocation et je suis toujours là. Le 13 c'est ma ville, gros, et je suis toujours là. Paris, je sais pas rapper, je suis toujours là. Le rap c'est ma vocation et je suis toujours là. Le 13 c'est ma ville, gros, et je suis toujours là. Paris, je sais pas rapper, je suis toujours là. Je pose mes couilles, cet instru là. Le rap c'est ma vocation, je suis pris dans le vice du RAP. J'arrive plus à m'arrêter de rapper. Le max c'est mon arme, je te fais un freestyle de ton rime en première classe. De plus en plus je rappe, de plus en plus j'ai la classe. Tu veux savoir mon place, je dors, mon rap à voix est mort. Les rappeurs dans ton genre, le 13 c'est ma ville, gros. Clemson c'est mon fardeau. Une dédicace à Dila ou le poteau. Une dédicace pour mes frères derrière les barreaux. Mon rap du hardcore coupé à la cocaïne. J'aime pas les MC qui friment. Arrête de faire ton merboule. Ne vais pas me taire, je suis un pitbull. J'rappe avec le démon gros. J'rappe avec la crénaline poteau. J'rappe avec l'envie de réussir. Y'a trop de l'âme de plus de nous jouer en liberté. Y'a ceux qui portent leurs couilles pour assumer leur respect. Y'a ceux qui frappent fort pour être respectés. Y'a ceux qui servent tout en état affermé. Y'a ceux qui se cachent le terre-terre à longueur de journée. Y'a ceux qui crient Ara dans nos quartiers. Ce dog frappe fort à coups de mortier. Le rap c'est ma vocation et je suis toujours là. Le 13 c'est ma ville, gros, je suis toujours là. Paris, je sais pas rapper, je suis toujours là. Le rap c'est ma vocation et je suis toujours là. Le 13 c'est ma ville, gros, je suis toujours là. Paris, je sais pas rapper, je suis toujours là. Dans ma vie, je suis perdu, c'est pour ça que je fais du sang cru. Tu vois cet album solo, mais t'inquiète, t'as toujours le frérot. Et entre nous, y'a pas de trahison. Certains rappeurs font du rap trop bidon. Au-delà de mes tests, t'inquiète, un art qui se reconnaîtront. Nous, on veut un rap qui t'arrache les oreilles. On fait pas du rap pour gagner de l'oseille. Ce dog. Le rap c'est ma vocation et je suis toujours là. Le 13 c'est ma ville, gros, et je suis toujours là. Pareil, je sais pas rapper, je suis toujours là. Le rap c'est ma vocation et je suis toujours là. Le 13 c'est ma ville, gros, et je suis toujours là. Paris, je sais pas rapper, je suis toujours là.